Donc on va enchaîner avec un deuxième bruiteur de Kiko et Seva, dont on a déjà entendu, on en a déjà entendu un hier, et on continue avec cette série. Pour rappel, Antoine, est-ce que tu peux nous faire une mini-présentation de ce qu'est un bruiteur, de ce que sont ces bruiteurs-là? Oui, alors j'ai pas été très... comment dire? Ah mon Dieu, c'est silence à la radio, c'est horrible. Non mais c'est merveilleux, personne ne va nous couper hein, de toute façon. Voilà, non, je n'ai pas été très détaillé hier en parlant des bruiteurs, et pour la raison suivante, c'est que l'idée c'était de justement pas trop les décrire, mais les bruiteurs ce sont donc des machines qui ont été construites par Kiko et Seva et qui avaient pour vocation première de produire des bruits. Et ces machines, c'est des systèmes mécaniques qui sont soit activés manuellement, soit avec un moteur, et qui ont en fait une présence particulière. Dans l'édition que j'évoquais hier dans ma présentation, il y a quelques photos de ces bruiteurs. Pour qui est intéressé, il y a toujours la possibilité de trouver ces photos et de regarder un petit peu de quoi il s'agissait. Mais l'intérêt premier de ces bruiteurs et puis le travail de Kiko et Seva était vraiment un travail autour du son, autour de l'activation de ces bruiteurs et puis de finalement en manifester un petit peu l'esprit. Et dans le travail de Kiko et Seva, la question de la fabrication d'instruments, c'est aussi l'idée de travailler autour d'éléments qui sont vraiment un peu récupérés, bricolés, et puis ensuite poussés à un assez haut degré de lutherie pour vraiment créer des sons organiques comme on a pu s'en rendre compte hier et qu'on pourra continuer d'écouter aujourd'hui. Donc voilà pour le peu de description. En fait, l'idée, c'est que la description se trouve dans le son lui-même. Voilà pourquoi. Il n'y a rien d'électronique. Il n'y a absolument rien d'électronique, à part peut-être ça et là un microphone, mais le travail, c'est vraiment un travail mécanique. Très bien. Et on écoute tout de suite. Bruiteur, Kiko et Seva. Aujourd'hui, à 3, 2 ressorts sur cran. Thank you. Donc on a écouté un bruiteur de Kiko et Seva, et certains de ces bruiteurs feront partie d'une pièce électroacoustique, fragment archéologique en Circadie, daté de 2024 et inachevé. C'était une commande d'Archipel qui sera diffusée le samedi 12 avril de 22h30 à 23h30 dans le salon d'écoute. Merci. Merci Antoine pour toutes ces infos. Et puis, ben, on va continuer à diffuser des bruiteurs comme ça tous les jours. Si vous voulez écouter les prochains, il y en a vraiment toute une multitude. Ah ! Il y a des répétitions derrière.